Le porte-parole du Comité coréen pour la paix en Asie-Pacifique a publié le discours une déclaration contre les États-Unis qui livre plus frénétiquement les menaces militaires et la sanction contre notre République. Il indique notamment « Tout le monde sait déjà que les États-Unis avaient déployé simultanément à la mer de l'Est de Corée deux corps de frappe de porte-avions nucléaires pour la première fois dans l'histoire et introduit tous les bombardiers stratégiques B-1B disposés à l'île de Guam pour livrer les exercices de première frappe nucléaire contre notre pays. Et cette fois encore, ils ont introduit au port de Busan un sous-marin nucléaire et le 30 mai ont livré l'essai d'interception de missiles imaginant l'attaque de la fusée balistique intercontinentale coréenne. Le 1er juin, l'administration de Trump a publié la mesure de sanctions séparées et le 3 a fait adopter une nouvelle résolution de sanctions à l'aide de la machine à voter de l'ONU. Voilà un acte d'hostilité le plus scélérant, reniant et violant grossièrement les droits de la souveraineté et le droit à l'existence de notre République, et une provocation dangereuse extrêmement insensée menant à l'extrême la situation de la péninsule coréenne. L'accusation de la mesure de renforcement de la capacité autodéfensive par les États-Unis et leurs suivistes est un sophisme effronté et le paroxysme du diktat et de l'arbitraire. À cette occasion, nous tenons à préciser notre position de principe. 1. Les États-Unis et leurs suivistes doivent savoir correctement qu'ils ne peuvent point empêcher notre droit souverain de détention nucléaire. Nous ne sommes pas du tempérament à abandonner sa détention nucléaire devant les États-Unis, auteur qui nous y a obligés, et prêtons aujourd'hui le soi-disant dialogue présupposant l'abandon nucléaire complet et intensifie la sanction et la pression militaire. 2. Les États-Unis et leurs suivistes doivent abandonner la chimère absurde de nous intimider avec les menées frénétiques de sanctions et de menaces militaires contre la Corée. La fanfaronnade à l'américaine et le diktat des États-Unis qui ne frappent lâchement que les pays sans nucléaire et les nations faibles ne passe point avec nous qui possédons l'arme nucléaire sans rival. 3. Plus persiste la sanction et la pression militaire américaine contre notre République, plus la fin pitoyable de l'Empire américain sera anticipée. Les États-Unis doivent savoir correctement leur adversaire et s'abstenir immédiatement des actes suicidaires téméraires tels que l'amorçage de nos armes nucléaires avec la sanction provocatrice et la pression militaire insensée.